saxophone caresse doucement. Sous un ciel de fer, je traîne mes blessures. Chaque pas me rappelle l'usure. Le vent porte des voix effacées, des mémoires brûlées, jamais apaisées. Les ruines chantent des refrains oubliés. Les cœurs battent mais sont fatigués. Je cherche la lumière dans la nuit sourde. Un souffle chaud au milieu des bouts. Les ombres dansent sur les murs fissurés. La poussière étouffe les rêves blessés. J'ai gravé mes peurs dans le silence, cherchant la lumière entre les absences. Les étoiles tombent sans un bruit. Les amers perdus dans la nuit. Je tends la main. Dans ce monde cassé, jamais entendu. La terre saigne sous nos pas lourds. Le temps s'écroule, emporte les jours. Je marche seul dans ce labyrinthe, à la recherche d'une étoile qui flirte. Les vents hurlent des secrets anciens, des chants brisés, des destins lointains. Je porte le poids des âges passés. Dans mes veines, la rouille est gravée. Hold the flame through rust and rain. Chaînes rouillées serrent nos mains, mais l'espoir coule dans nos veines. Je crie la vie dans ce désert, un chant fragile, sincère et amer. Les murs tombent, mais pas nos voix. Nous marchons ensemble devant toi, unis par la foi, guidés par l'envie de retrouver la lumière enfouie. Les ruines pleurent des secrets anciens. Les cœurs battent toujours incertains. Mais dans le souffle d'un vent noir, une lueur perce le désespoir. Je vois danser les ombres du passé, des visages d'anges oubliés. Ils chantent encore dans le silence, une prière pleine d'espérance. Keep the fire. Vendu mes rêves au diable de l'acier. Mais je garde la foi malgré l'obscurité. Un prophète perdu dans les flammes, portant la croix de nos âmes. Les nuits sont longues, les voix s'éteignent, mais je marche encore loin des peines. Chaque pas résonne dans la poussière, un chant de vie, une lumière. Les prières brisées résonnent encore dans les ruelles, au cœur du décor. Nos voix s'élèvent, rugissent, vibrent face à l'oubli, elles s'inscrivent. Je porte à croix la douleur, la foi dans chaque regard, une voix. Nous sommes l'écho des jours anciens, le souffle vivant sous les décombres. Peut-être coupé.